joue de comédie citoyenne drôle et poignante pour Cosmopolitan. Mauvaise herbe, un film de Kairon avec Catherine Deneuve et André Dussolier le 21 novembre au cinéma avec RTL. Pour faire plus écologique à l'atelier, on devrait tous parler suédois. Ouais, écoute, ja, der Glutenfrin, der Rosmussen. Mais t'as raison, ça fait tout de suite plus vert. Chez Vattenfall, leader suédois de l'énergie, nous proposons plutôt aux entreprises une électricité moins chère et neutre en carbone. Appelez le 3255 ou rejoignez-nous sur vattenfall.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Offre de marché, voire conditions sur site, prix d'un appel local. Merci à toute l'équipe. On retrouve tout de suite Julien Courbet. Bonjour, cher Julien. Oui, j'étais là, pardon, en train de vérifier que tout était en place. L'électricité est là, oui. C'est du 200 watts. Vous avez l'eau, le gaz, tout ça. L'eau, le gaz, tout va bien. Ah, mais c'est le confort moderne à Neuilly. Ah, mais là, j'ai l'impression qu'on est passé à autre chose. Je me rappelle le temps où on est obligé de faire pédaler Bernard Sabat pour faire tourner la machine. Oui, mais du coup, il a conservé une ligne impeccable. C'est vrai. Voilà. Bon, même ses limites, si on a l'impression qu'il n'est pas malade. Bon, eh bien, écoutez, on va démarrer. Voilà. Et merci pour tous ces gentils mots sur le documentaire d'Mbappé. Mais là, c'est pas du tout du Mbappé dont on va parler, c'est de Josiane. Ah, bon, Josiane, elle va voir le ballon d'or, vous allez voir de la caisse de retraite. Écoutez bien ça. Bonne journée, mon Yves. Bonne journée, on vous écoute. Allez, 9h31, voici l'émission que vous nous avez lancée. C'est parti, il y a effectivement celle de Josiane. Je vous appelle de la Marne. Ma caisse de retraite me doit 888 euros. J'ai bien reçu un courrier de remboursement. Il n'y avait que l'enveloppe et pas le chèque. J'ai dû me désister du chèque, soi-disant perdu. Mais depuis 7 mois, je ne suis toujours pas remboursée. Il y aura également la mission de Cédric sur RTL. Je vous appelle du Doubs, je suis charpentier de métier, j'ai construit moi-même ma maison. Mais pour l'électricité, j'ai fait appel à un électricien à qui j'ai versé 3539 euros d'acompte. Et depuis le mois d'août, j'attends toujours qu'il vienne faire le travail. Et il va y avoir un festival de retour sur des cas qui bloquaient, que nous avons tenté de débloquer pour m'aider à régler tous ces problèmes. Il y a évidemment la Dream Team d'RTL. Il y a Blanche de Grandvilliers, votre avocate jockey, qui est là. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour il y a à tous. Maître Félonneau. Bonjour à Bernard, tous. Bernard. Bonjour à tous. Toutes les équipes d'Alain Hazard, Céline, Charlotte, JB. Nous sommes là pour vous aider comme chaque matin entre 9h30 et 11h et nous allons le faire avec beaucoup de plaisir. Bienvenue sur RTL. C'est parti. À n'importe quel moment, vous pouvez nous joindre sur le 3210. 50 centimes d'euros la minute. Ou bien gratuit, le Facebook, la page, ça peut vous arriver, ou encore rtl.fr. Si tu te fais arnaquer, pas la peine de paniquer. Faut appeler l'autre abruti, Julien Courbet. Josiane est en ligne avec nous. Josiane, bonjour. Bonjour. Alors Josiane, comment allez-vous? Oh ben, ça va très bien. Vous nous appelez d'où, Josiane? Elle vient de Reims, exactement. Bon, on vous fait des misères à Reims, hein. La caisse de retraite, d'après ce que j'ai cru comprendre. Expliquez aux auditeurs d'RTL, ils vous écoutent. Eh bien écoutez, ça fait maintenant quand même 2 ans et demi que je reçois un courrier de ma caisse m'avisant que j'avais un excédent. Je vous laisse deviner ma joie, pour une fois c'était pas un appel de cotisation. Seulement malheureusement, il n'y avait pas de chèque. D'accord. Depuis, je me bats pour avoir cette somme, c'est-à-dire depuis donc 2 ans et demi. J'envoie des courriers simples, recommandés. Rien. Et puis, au mois d'avril de cette année, je reçois enfin un courrier d'eux, qui était quand même daté de 2017, hein, mais envoyé un an plus tard, avec une lettre de désistement à remplir, me demandant un RIP, ce que je m'empresse de faire. Seulement, début septembre, toujours pas de nouvelles. J'ai donc une avocate qui leur a envoyé un courrier, espérant qu'une simple lettre venant de sa part pourrait résoudre le problème. Malheureusement, non. Et il y a un mois, ils ont demandé que je dépose plainte pour vol de chèque au commissariat et que je leur fournisse mes relevés bancaires pour savoir si je n'avais pas encaissé le chèque. Bon, alors, récapitule Josiane. J'essaie de tout vous dire. Hein. Dans un premier temps, on vous dit on va vous donner de l'argent, mais on ne l'envoie pas vous relancer, on va vous l'envoyer, mais ils ne l'envoient pas vous relancer, ils ne l'envoient toujours pas. Finalement, ils envoient une enveloppe vide. Derrière cette enveloppe vide, vous dites vous avez envoyé une enveloppe, mais ce n'est pas une enveloppe que vous aviez promis, c'est un chèque, un verre, on l'a pas mis dedans. Bon, alors tu vas aller le déclarer volé. Je vais pas aller déclarer un chèque qui n'existe pas. Eh ben pourtant si, tu vas le faire. Écoutez, ça démarre très fort, Josiane. Je ne m'attendais pas à un démarrage sur les chapeaux de roue comme ça. Donc, je ne sais pas que penser de ça. Soit c'est pour gagner du temps. Vous savez, on peut y penser aussi. Je ne dis pas que c'est le cas. Je suis simplement là pour essayer d'appuyer parfois là où ça fait mal. Est-ce que ce sont des techniques pour gagner du temps? Ben déjà, tu lui dis 3 fois qu'on lui doit de l'argent, mais mais tu ne lui envoies pas. Quand elle s'énervera un peu, envoie une enveloppe avec rien dedans. Après, tu lui diras d'aller déposer plainte pour un chèque qui n'existe pas. Mais tout ça, ça prend combien de temps au bout du compte? Ça marche? Ça marche parce que Josiane, elle est toujours là sans son argent. Votre analyse, s'il vous plaît, Blanche de Grandvilliers, nous lancerons l'appel. Je suis sûr qu'il n'y a rien de grave, mais je me mets, et c'est pour ça que je dis tous les jours, cette émission est le miroir de ce que vous vivez. Au bout d'un moment, Josiane, elle en a ras-le-bol. Elle a même dû faire appel à un avocat pour un chèque qu'on lui doit et qu'on ne lui envoie pas. Julien, moi je pense que si à la fin de cette émission ce n'est pas réglé, il faudra que Josiane prenne les grands moyens, c'est-à-dire qu'elle fasse elle-même compensation, parce qu'elle continue de régler cette somme à cette caisse de retraite. Elle peut elle-même faire compensation de la somme de 888 euros. Jusque-là, elle ne l'a pas fait, parce que vous savez ce que c'est avec ces organismes. Hein. Quand vous ne payez pas, vous avez tout de suite l'huissier derrière vous. Bien alors sûr. Que quand eux ne payent pas, ça fait deux ans et demi que ça traîne. J'ose espérer qu'avec voilà, cette caisse, on en ira, on va pas... Allez, vous allez voir, on va essayer de régler ça. Un mot de Maître Fellono rapidement. Moi, je suis d'autant plus choquée de la demande de faire maintenant une plainte, et puis on veut vérifier vos comptes en banque pour voir si vous ne l'avez pas encaissé. On parle d'un chèque, Julien, qui est expiré. Sa durée de validité d'un an et huit jours est expirée depuis presque un an et demi. Donc franchement, c'est se moquer du monde que lui demander encore de prouver qu'elle n'a pas encaissé les fonds. Attention, mesdames et messieurs, dans une seconde, l'appel va être lancé. Nous allons voir ce que l'on va nous dire concernant ce chèque mystérieux. Peut-être transparent, qui sait? Puisqu'il était, d'après eux, dans l'enveloppe. Or, il n'y en avait pas. Y a-t-il une nouvelle race de chèques? C'est une question que nous poserons. Ça va se passer sur RTL dans quelques instants. Soyez là pour ce moment. Le Black Friday est encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour et sur ruedducommerce.com, pendant la semaine du Black Friday, l'aspirateur balai Dyson V7 est à seulement 249 euros au lieu de 349 euros. Et sans fil en plus. Résultat des courses? Ah mais du coup, je le passe tous les jours, l'aspi, moi. Mais oui. C'est parti pour la semaine du Black Friday chez Carrefour, Carrefour Market et sur ruedducommerce.com. L'aspirateur balai Dyson V7 est à seulement 249 euros au lieu de 349 euros. Carrefour. Garantie 2 ans jusqu'à épuisement des 2000 pièces. Offre et magasins participants sur carrefour.fr. Tu te rends compte? C'est pas un jour, c'est pas deux jours, c'est pas trois jours, c'est toute la semaine, la Black Friday Week chez Saint-Maclou. Et si nous avons décidé de prolonger le plaisir, c'est pour que vous ayez le temps de profiter de 20% de réduction sur tout le magasin. Oui, 20% sur les parquets, vinyle, tapis, papier peint. Le genre d'offre qui n'arrive pas tous les jours, mais toute la semaine. Saint-Maclou, on fait tout pour que ce soit beau chez vous. Offre valable jusqu'au 26 novembre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Black Friday Week, semaine du vendredi noir. Pendant ce temps chez Renault, ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il arrive avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. Exemple pour 10 000 euros empruntés, 48 mensualités de 212,55 €, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 202,40 €, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50 euros si accordiac. Voir détails sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL. Charlotte, vous nous récapitulez l'histoire de Josiane. Sa caisse de retraite lui doit 888 euros. Elle lui a envoyé un courrier de remboursement, mais le chèque censé se trouver à l'intérieur a disparu. C'est parti, et ça date avant qu'on lui envoie une enveloppe vide. On lui a dit plusieurs fois, on va vous l'envoyer, on ne l'a pas envoyé. Maintenant, on lui dit, allez contester, dites-leur que le chèque est volé, mais il n'y en avait pas. Mais c'était bruyant. Est-ce que ça répond? Nous sommes à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales. On aurait pu faire un peu plus simple pour le titre. Parce que le problème de la personne qui ne se sent pas bien et qui vient se présenter, quand elle a fini la phrase, le problème c'est que c'est fini pour elle. Allô? Ça dit quoi, ma petite Céline? Eh bien, pour l'instant, ça dit pas grand-chose. Désolé, nous n'avons pas compris votre demande. Nous vous remercions de renouveler votre chèque. Ah non. Françoise, j'ai fait une blague, je n'aurais pas dû la faire. Françoise, ne raccroche pas, sois pas bête. Françoise, pas après toutes ces années, Françoise. Ah ben Françoise m'a raccroché au nez. Nous rappelons, et cette fois-ci, on se tait. Hein, je vous le dis, moi je ne savais pas qu'elle me posait des questions, je n'entendais pas. Bonjour et bienvenue à la SKIPAV, votre caisse de retraite et de prévoyance. Pour toute question liée à vos cotisations, tapez 1. Pour toute question liée à vos prestations retraite et prévoyance, tapez 2. Le recouvrement de vos cotisations a été confié à un huissier, tapez 3. Pour toute autre demande, tapez 4. 4. Afin de mieux garantir la qualité de nos services, cet appel est susceptible d'être enregistré. D'accord. Le coup d'huissier, ça fait peur. Hein. Bonjour. Oui, bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je vous passe Maître Blanche de Grandvilliers qui vous résume en deux mots le but de notre appel parce que nous avons une dame qui a vraiment besoin de vous parce que vous lui devez des sous. Blanche de Grandvilliers. Oui, bonjour madame. Le 25 juillet, vous avez écrit à notre auditrice en lui informant que son compte présentait un excédent de 888 euros, sauf qu'aucun chèque n'était joué en courrier. Donc on a réclamé le chèque. Oui. Vous n'avez pas répondu. Ne quittez pas, madame, s'il merci. Vous plaît. Voilà, ne quittez pas, merci. Bon. Super là, bien. Attendez, je regarde l'adresse de la CIPAV, c'est dans le 3e à Paris. Là, à la vitesse où était la dame, elle est déjà, à mon avis, au niveau de Marne-la-Vallée en train de courir. Ah, on me signale qu'elle passe la frontière allemande à l'instant. Elle court à 450 km/h pour ne pas avoir à vous parler, Blanche Grandvilliers. Mais vous remarquerez que Blanche, dans son résumé, s'est bien gardée de donner la date exacte, parce qu'elle est de 25 juillet pour que la personne trouve ça normal. Elle lui aurait dit 25 juillet 2016. L'autre aurait pensé à une blague et aurait raccroché immédiatement voilà. En disant qu'est-ce que c'est cette folle. Et c'est une manière très élégante de dire à Blanche Grandvilliers qu'elle a très mal expliqué le cas. Bravo. Vous avez raison, pas Maître Fellono. Pas du tout, parce que sinon, elle aurait cru une blague. Parce que du coup, ça enlève tout le caractère urgent de l'appel. Elle a fait n'importe quoi de Grandvilliers. On se demande encore pourquoi, vous me le disiez encore hier, pourquoi on continue à inviter cette tourte. C'est ce que vous me disiez avec ces mots-là. Voilà, ben voilà, au moins les choses maintenant, l'abcès est percé, on va pouvoir régler ça. Josiane, ne vous inquiétez pas, nous sommes sur le coup, on plaisante, mais là mais nous avons lancé. Je ne m'inquiète pas, je vous avez écoute. Tort. Parce que quand on a affaire à une équipe de bras cassés comme ça, on pourrait s'inquiéter. Donc non, nous avons lancé le CIPAV. Donc nous attendons un petit peu avant d'avoir un autre interlocuteur. Vous me faites une petite alerte, on me fait écouter s'il vous plaît l'alerte aux auditeurs. Voilà, quand vous entendez ça, ça veut dire que quelqu'un arrive au téléphone et on le bascule immédiatement sur l'antenne. Ça, c'est le cas numéro 1, Josiane et cette caisse de... Josiane et cette caisse de retraite. Non, je vous ai appelé Josiane, je ne sais pas pourquoi. Josiane et cette caisse de retraite. J'ai la totale aujourd'hui. Hein, vous m'avez... c'est pas possible. Est-ce que c'est vous, Josiane, dont j'ai parlé dans la bande-annonce ce mais matin oui. Alors, parce que oui. j'ai fait j'ai une jamais petite... été masseuse. Mais oui, je sais bien, Josiane. Parce que... Ce matin, j'ai fait une bande-annonce pour annoncer l'émission et je dis oui, j'étais en train de me faire masser quand tout d'un coup on me raconte ça. Puis on entend Josiane qui dit on m'a volé un chèque, etc. Et Josiane, tout à l'heure, à Alain Hazard, il voulait vérifier qu'elle était bien là ce matin, et elle lui fait mais j'ai jamais été masseuse. Arrêtez de... Dites à monsieur Courbet qu'il dit n'importe quoi. Bon, Josiane, heureusement qu'on en rigole parce que sinon oui, on en pleurerait facilement de cette histoire. Cédric arrive dans une seconde. Et oui, lui, il a versé 3539 euros à un électricien. Ce dernier a commencé les travaux en août, puis il n'est plus venu. Eh bien, c'est parti pour faire ce cas dans une seconde. N'hésitez pas, appelez-nous à n'importe quel moment. Mais là, vous l'avez compris, l'amour est dans l'air sur RTL. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know. And it's there when you call out my name. Love is in the air. Love is in the air. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. In the air. Et j'en profite pour vous dire aussi qu'à l'occasion de la sortie en vidéo du spectacle inédit de Laurent Gérard, tous les auditeurs qui interviendront à l'antenne recevront le DVD sans modération. Voilà, dans RTL Petit Matin, vous l'avez gagné, avec moi. Tout à l'heure, les auditeurs ont la parole. Bref, tout le monde aura son DVD. Nous sommes donc sur deux cas. Le premier, on le rappelle, Charlotte, c'est cette histoire de chèque et Josiane a l'impression qu'on se moque un petit peu d'elle. Le 25 juillet 2016, sa caisse de retraite lui dit qu'on va la rembourser de 888 euros. Deux ans et demi plus tard, elle n'a toujours rien et pour cause, l'enveloppe censée contenir le chèque était vide. Nous avons lancé des appels, ma chère Céline. Nous avons contacté la CIPAV, qui est donc la caisse de retraite. On a eu quelqu'un qui a pris toutes les références hors antenne. On attend qu'elle nous passe soit un manager, ou soit donc des explications sur ce dossier. Tout à fait. Et Blanche Grandvilliers nous a expliqué qu'à un moment donné, si Josiane en avait marre, elle pouvait limite, entre guillemets, se faire justice elle-même en faisant une compensation entre ce qu'elle verse régulièrement à la caisse et les sommes qui lui sont dues. Et nous avons un deuxième cas, c'est celui de Cédric, qui est en ligne avec nous. Cédric, bonjour. Bonjour. Cédric, tu me copies, tu nous appelles d'où, s'il te plaît, Cédric? Je vous appelle Dudou. Dudou, parfait. Cédric, gilet jaune ou pas gilet jaune, vous? Ah non, j'ai pas pu, je construis ma maison, j'ai pas le temps. Il construit lui-même sa maison, mais j'ai une admiration. Il y avait d'ailleurs un excellent Zone Interdite, je crois, dimanche soir là-dessus, chez nos amis. Ah, oui, j'ai vu, oui. Ah mais c'est un truc de dingue. Donc vous, mais quand vous dites vous faites tout, vous faites quand même venir à un moment donné quelques... C'est pas vous qui faites par exemple la charpente? Ben si, étant donné que je suis charpentier, j'ai fait toute ma maison en bois. Alors là... Ça, c'était sûr, j'attendais. Il y a un dicton qui dit quand ça veut pas, ça veut pas. C'est-à-dire que ce matin, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais taper à chaque fois à côté de la cible. Tu vois, elle est pile en face de moi. Et à chaque fois, la flèche va partir au-dessus, au-dessous, à droite ou à gauche. Bon alors, vous êtes charpentier, ok, faites le malin. Mais alors, les fondations, vous n'êtes pas capable de les faire. Exactement, oui. Ah, quand même. Donc, de temps en temps, vous faites venir un petit corps de métier, mais après, tout le reste, les finitions, c'est vous qui le faites. Voilà, oui. Donc, c'est des week-ends entiers, je suppose. Oui, ça fait 2 ans que c'est les week-ends. Ouais. Cédric, j'ai l'impression que ma petite interview vous fatigue, donc je vais tout de suite en venir à votre problème. Non, vous savez, on peut se le dire, hein, Cédric, j'en ai gonflé plus d'un. Vous ne seriez pas le dernier. Cédric, néanmoins, vous êtes là parce que vous avez besoin d'aide, et il est bien normal qu'RTL le fasse pour vous. Nous vous écoutons. Exactement, donc j'ai dû faire appel à un électricien en juillet. Le début des travaux s'est très bien passé. Il est venu 2-3 jours poser des liens et tout. J'ai versé le premier acompte donc suite au devis et ensuite je l'ai plus revu. Donc, j'ai envoyé une lettre recommandée pour mise en demeure. Et il n'est pas allé la chercher, en fait. Donc, c'est resté 2 semaines, et puis c'est revenu, et j'ai toujours pas de nouvelles depuis. Alors, rappelons quand même aux auditeurs que sans l'aboutissement de ces travaux électriques, vous ne pouvez ni poser les cloisons, ni le carrelage. En clair, si rien n'avance rapidement, vous serez contraint d'emménager dans des conditions déplorables avec votre femme et vos 3 enfants en bas âge en décembre prochain. Encore une fois, Maître Felono, on se pose la question, on se la posera, je suppose, sur notre lit de mort. Pourquoi les artisans commencent? Certains, évidemment, là, on est en train de parler de 0,5% des artisans, les autres font bien leur job, ne nous énervons pas en disant vous jetez sur la profession, non, mais on est là pour parler des trains en retard, nous on est là pour parler des problèmes, donc on est obligé de constater que chaque jour nous arrive un cas d'un artisan soit qui ne vient pas du tout avoir pris la compte, soit qui vient un peu et puis ne vient plus du tout, ça je n'arrive pas à comprendre. Alors là le motif exposé par l'artisan c'est j'ai eu un accident, je me suis cassé la clavicule. Certes, on peut tout à fait le comprendre, mais enfin bon, quand on se casse une clavicule ça dure 2-3 semaines.

Alors, j'ai pris connaissance effectivement avec ma collègue qui m'a expliqué la situation. Là, je relis effectivement toutes les informations concernant le chèque de remboursement que l'assuré attend de 888,80 €. Voilà. Vous l'avez informé le 25 juillet 2016, hein, monsieur, qu'elle devait toucher cet argent. Donc après, elle ne l'a pas vu venir, donc elle a relancé, pour finalement un jour recevoir une lettre dans laquelle il n'y avait rien dedans. Donc elle dit, vous m'avez envoyé une lettre, mais il n'y avait pas le chèque. Et là, vous lui dites, allez faire opposition sur ce chèque qu'elle n'a jamais vu. Donc, au bout de 2 ans, elle se dit, ce n'est pas possible. Alors, c'est pas exactement ce que je vois dans le dossier. Ah. Moi, je vais vous expliquer ce que je vois dans le dossier. C'est-à-dire, lorsque nous envoyons un chèque, et lorsque ce chèque, justement, a été édité par nos services, on demande aux assurés de remplir ce qu'on appelle une lettre de désistement. Au cas où, si ce chèque lui parvient, on ne sait jamais, plusieurs jours après, qu'elle puisse se désister. Je crois que ça a été fait. Et s'engager à ne jamais qu'elle ne puisse jamais l'encaisser. D'accord. Sauf que, lorsque nous sommes renseignés auprès de notre banque, le chèque a été encaissé. D'accord. Alors, par qui ? Le chèque est vraiment nominatif. Ben justement, le chèque est nominatif. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis... Bon, là, vous prenez un petit peu de cours. Si vous me laissez vraiment du temps, je vais me rapprocher auprès du service juridique, de la comptabilité, de régler le problème le plus rapidement possible. Alors, Josiane, vous n'auriez problème... pas... Posons-nous la question, et ça peut arriver. Josiane, vous n'auriez pas encaissé, mais sans vous en apercevoir ou mêler avec d'autres chaînes. Je voudrais répondre au monsieur. Allez-y vite. Je n'ai absolument rien reçu. D'accord. Quand on regarde le courrier... D'ailleurs, on voit qu'il a été agrafé, ce chèque, et il reste les 2 trous de ce chèque qui a été agrafé. Donc, d'accord, ça prouve bien qu'il a été retiré. Comme je dois marquer une petite pause, est-ce que vous pourriez juste savoir la date de l'encaissement du chèque ? Ça nous aiderait bien, je pense qu'on comprendrait bien. Maître Blanche Grandvilliers. Oui, parce que vous avez écrit à Josiane, le 25 mai 2017, que le chèque d'un montant de 888,80 € n'avait toujours pas été débité de votre compte bancaire. Ok, alors, écoute monsieur. Voilà. Alors, le chèque a été encaissé en date du 29 juillet 2016. D'accord. Bon, alors visiblement, c'est pas elle. Donc, aujourd'hui, Il faut qu'on... Pourquoi vous avez écrit le 25 mai 2017 qu'il n'avait pas été débité de votre compte ? Alors qu'en juillet de l'année d'avant, il avait été. Et la lettre a été envoyée en cette année seulement. Elle est datée de 2017 et je ne l'ai reçue qu'en avril 2018. Monsieur, vous voyez bien que c'est un peu n'importe quoi, mais vous n'y êtes pour rien. Juste si vous pouviez maintenant lui donner son chèque et faire tout ce qu'il faut auprès de la police pour que celui qui l'a encaissé illégalement le rende, etc. Mais elle y est pour rien. C'est pas elle de faire l'enquête, etc. En plus, vous voyez bien que vous lui envoyez une lettre pour lui dire vous n'avez toujours pas encaissé un chèque qui a déjà été encaissé par le voleur depuis un an. Donc il y a un petit problème de dysfonctionnement. Ça, je comprends bien que madame n'y est pour rien. En tout cas, je me renseigne. D'accord. Je ne peux pas donner toutes les informations comme en 3 minutes. Donc, ça marche. Bien évidemment, je me rapproche de ma direction, je me rapproche du service comptabilité. Et nous avions effectivement demandé une copie du relevé bancaire à cette dame à l'époque pour savoir effectivement sur la période de juillet. Comme je dois marquer une pause, monsieur, je vous retrouve. On aura une heure après si vous voulez. Je marque une petite pause. Bernard Sabat vous parle, mais là, il faut qu'on trouve une solution. À tout de suite. Leclerc. Chérie, mardi chez Leclerc. Et ce mardi seulement, 30% de remise immédiate sur le rayon soupe. Toutes les soupes ? Parfaitement. 30% de réduction immédiate sur toutes les soupes, de toutes les marques, de tout le rayon. Ça y est, j'ai envie de soupe. Mardi 20 novembre chez Leclerc, bénéficiez de 30% de réduction immédiate sur tout le rayon soupe. Le super pouvoir d'achat du mardi, c'est de pouvoir s'offrir ses produits préférés dans ses marques préférées. Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voir modalités magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Et c'est mardi seulement. Pour votre santé, bougez plus. Oh, chérie, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est 5h. Ben je t'ai dit, les 23 et 24 novembre, c'est le Black Friday chez Nissan. La Micra d'occasion est à 4 € par jour. Je vais pas rater ça. Mais ça sera pas ouvert. Première arrivée, première servie. En plus, elle est fabriquée en France. Ça va partir vite. Nissan, innover autrement. Pour Micra K14 N-Connecta DCI 90, occasion récente, LLD 61 mois, premier loyer 2 250 €, puis 60 loyers 120 €. Si accordiaque, jusqu'à épuisement des stocks dans les concessions participantes. L'instant Darty. Tu vois ce grand trou dans le mur de ta cuisine ? Oui. Eh ben j'ai peut-être une idée. C'est le Black Friday chez Darty. Jusqu'au 26 novembre, le four encastrable Fort classe A+ est à 349 € au lieu de 599, soit 250 € d'économie. Référence FOP 67-902XU. Black Friday, vendredi fou. Tiens, tu lis le nouveau détective. Eh oui, il n'y a que dans ce journal que je trouve des histoires passionnantes. Ah, et c'est sur les faits divers ? Oui. Oh, tous les détails de l'enquête, hein. Des témoignages incroyables. Ah, c'est pas pour rien qu'ils sont numéro un. Hein. C'est mon petit plaisir du mercredi. Le nouveau détective. Des vérités que vous ne lirez nulle part ailleurs. 1,60€ seulement. Intermarché vous propose d'écouter 23,45€. Jusqu'au 2 décembre, le paquet Megapack de 86 couches Pampers Baby Dry taille 4 est à seulement 23,45€ avec en plus 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Existe en différentes tailles. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Bernadette Chéruy, à Carouble, dans le département du Nord, nous dit pourquoi. Nous sommes toujours bien accueillis et en même temps, nous avons le service et la qualité. Puis on a des verres français, donc c'est ce qui me satisfait le mieux. Du fait que je travaille dans une petite supérette de proximité, je suis constamment devant l'écran. Il m'a très bien conseillé, qui me permet avec mes verres progressifs de bien regarder, de ne pas être trop fatiguée, et c'est ce que j'ai, quoi. Et lorsque je travaille, j'ai vraiment ce qu'il me faut. Erwin Filleur, l'opticien Optique 2000 de Madame Chéruy, à Saint-Saulve, dans le Nord. Dans notre magasin, nous conseillons à tous nos clients Presbyte des verres progressifs, adaptés, bien sûr, à leur activité, afin de leur apporter le meilleur confort visuel. Et comme nous sommes partenaires de nombreuses mutuelles, nous nous occupons de tout. Alors, Madame Chéruy, contente d'Optique 2000? Oui. Très satisfaite d'Optique 2000 et en plus, il gère tout pour moi. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Merci d'avoir choisi la radio numéro 1 RTL. Ce matin, nous vous aidons. Si vous avez un problème, votre radio est là et nous le faisons par la négociation. Deux cas ont été lancés. Il est 10h. Il est 10h, les gars. Alors Roger, profites-en pour me mettre sa petite sœur. Oui, c'est à vous Bénédicte Tassin pour les infos. Bonjour, bonjour à tous. Les Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur dénonce la dérive totale du mouvement. Christophe Castaner, ce matin sur France 2, pointe une radicalisation, un très très grand nombre de blessés, un mort et 528 blessés pour l'instant. Ce matin à Caen, les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes après sommation sur les Gilets jaunes du principal barrage. 4 manifestants ont été interpellés, 2 pendant la libération du rond-point et 2 autres dans un second temps quand un groupe d'individus violents et agressifs sont revenus attaquer la police, indique la préfecture. Le dépôt pétrolier de Verne-sur-Seiche, près de Rennes, a lui aussi été débloqué vers 6h ce matin, cette fois pas d'incident. La route Rennes-Angers est à nouveau accessible normalement, mais des barrages donc encore ce matin. Par exemple à Calais, sur la 16, sur la 72 dans la Loire et sur un rond-point d'accès à la 7 à Montélimar. En Normandie également, entre Rouen et Dieppe ou encore en Bretagne, à Fougères et à l'est de Saint-Brieuc. Beaucoup de questions après l'interpellation du patron de Renault-Nissan hier à Tokyo. Nissan accuse Carlos Ghosn de malversation financière. À Paris, on s'interroge. Bercy n'a identifié aucune fraude fiscale en France, assure le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui réclame une gouvernance intérimaire pour le constructeur Renault. Carlos Ghosn est en plus en état de diriger le groupe. Réunion ce soir du conseil d'administration, annonce un porte-parole. Le bâtisseur de l'empire automobile Renault Nissan Mitsubishi, lui, est toujours en garde à vue dans un centre de détention de Tokyo. La stabilité du chômage au troisième trimestre, selon l'INSEE, toujours à 9,1% de la population active. Il y a 2 730 000 demandeurs d'emploi sur le territoire français, hors Mayotte. La Bourse de Paris, ce matin, le CAC 40 ouvre à la baisse, à moins 0,45%. Les courses, c'est à Chantilly cet après-midi. Et voici les pronostics de Claude-Pierre Santi. Le 6, le 12, l'As, le 7, le 5, le 11, le 9 et le 10. La dernière minute, c'est le 7, Mosgiel. Le temps pour cet après-midi, les petites précipitations de pluie et de neige mêlées deviennent éparses sur la Bourgogne, l'Île-de-France, la Normandie et les Hauts-de-France. Il pleut plus qu'il ne neige aussi en Auvergne-Rhône-Alpes et sur la Franche-Comté. Un ciel maussade sur la Méditerranée avec des orages en bord de mer. En fait, les rares éclaircies, on les trouvera sur la façade atlantique. Les températures, 2 à 6 degrés en général sur la moitié nord, jusqu'à 8 degrés en Bretagne. Et sur la moitié sud, 6 à 9 degrés, jusqu'à 15 degrés près de la Méditerranée, 17 degrés en Corse. 10h, 3 minutes. Et on y va. Mais quel était le numéro 9 là pour vos pronostics? Alors, le numéro 9, ça vous... Ego Dancer. Non, le 7 alors. Le 7, Moziel. Ouais, Marc-Olivier, ben je le savais. Il court très vite. Il faut que, enfin moi, personnellement, si je dois miser, je mise sur Marc-Olivier. Marc-Olivier, Moziel, sur le 7. Ouais. Qui est la dernière minute. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Hein. Un à peu d'humour. Ne nuit pas, même quand c'est pas drôle. Il est donc 10h03. C'est, je vous rappelle, le Black Monday pour moi. Puisque depuis ce matin, à chaque fois que je prends la parole. Tuesday, pardon. Je tombe à côté de la plaque et je suis en train de creuser ma tombe qui commence à être sacrément profonde. Faisons le point sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30. Ben, j'ai l'impression qu'on est dans le même panier. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Alors, un réalisateur là, qui remplace Xavier Kassovitch, et croyez-moi, il se dit, pour qui me prend-on d'aller m'envoyer chez ce type en me regardant de travers. Nous avons démarré avec Josiane. Elle a droit à un remboursement de 888 euros de sa caisse de retraite, mais le chèque a disparu et depuis juillet 2016, elle ne parvient pas à se faire entendre. Alors nous avons réussi à avoir un responsable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales et vous avez continué à parler un petit peu avec lui. Oui, pendant les informations, il s'appelle monsieur Stéphane Cadet, il est responsable d'équipe, il prend le dossier en main, il se rapproche de son service juridique pour savoir s'ils ont la copie du chèque entre guillemets et il nous a promis qu'à 10h45, il nous rappellerait Julien. Alors, ce qui est quand même extraordinaire et que nous avons appris, il n'y est pour rien, ce monsieur, que les choses soient claires, on le remercie mille fois de nous parler, mais c'est qu'en fait, ils ont envoyé à Josiane une lettre en lui disant « Il faut vous désister du chèque qu'on vous a envoyé parce que vous ne l'avez... » Non, vous n'avez toujours pas encaissé c'est le chèque ça, qu'on vous a envoyé. N'a pas été débité. Alors qu'un an avant, il avait déjà été débité par le voleur. Oui. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même un petit problème de dysfonctionnement. Et ce courrier, daté de mai 2017, a été reçu un an après. Voilà. Décidément, là, il y a de quoi faire une véritable enquête. Nous avons attaqué un deuxième cas, c'est Cédric qui construit lui-même sa maison et il est en galère. Oui, parce qu'il a quand même fait appel à un professionnel pour l'électricité de sa maison. L'électricité a commencé les travaux, tout avait l'air de bien se passer jusqu'à ce qu'il disparaisse et ne donne plus signe de vie. Eh bien, nous allons lancer l'appel dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Voyons pourquoi l'artisan ne vient plus et quelle excuse il va nous donner. Bien sûr, ça se passe dans une seconde. Ce soir, vous ne manquez pas, à 23h déjà, il y a le match France Uruguay, la revanche avec Cavani. C'est sur M6 et surtout 23h juste derrière un documentaire exceptionnel sur Kylian Mbappé. Les secrets d'un surdoué où vous allez découvrir la personnalité et certains secrets sur celui qu'on annonce comme étant le nouveau phénomène du football français. 23h M6. À partir de 50 ans, les problèmes de prostate touchent plus d'un homme sur deux, ce qui peut engendrer une baisse de leur qualité de vie. Pourtant, il existe des solutions. Parlons-en avec le docteur Mimoun. Pierre, vous avez 52 ans et vous souffrez de troubles urinaires. Quelles sont les conséquences dans votre quotidien ? Ben, je suis obligé de me lever plusieurs fois dans la nuit et le manque de sommeil se fait sentir au fil de la journée. Les troubles urinaires masculins ne sont pas une fatalité. Pour empêcher les envies nocturnes, commencez par limiter les boissons après 19h. Si ces conseils ne suffisent pas, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Passez une bonne matinée avec RTL. Chérie, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est 5h. Ben je t'ai dit, les 23 et 24 novembre, c'est le Black Friday chez Nissan. La Micra d'occasion est à 4€ par jour. Je vais pas rater ça. Mais ça sera pas ouvert. Première arrivée, première servie. En plus, elle est fabriquée en France. Ça va partir vite. Nissan, innover autrement. Pour Micra K14 N-Connecta DCI 90, occasion récente, LLD 61 mois, premier loyer 2250 euros, puis 60 loyers 120 euros. Si accordiaque, jusqu'à épuisement des stocks dans les concessions participantes. En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Esteban demande à l'accueil du magasin. Il y a encore des tickets d'or ? Oui, on a mis en jeu 5000 nouveaux tickets d'or de 250 euros carte U. Avec votre carte U, vous recevez un ticket à gratter à partir de 25 euros d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U en jeu. 6 ? Non. Si, 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Juste une petite parenthèse actu. Vous savez qu'on parlait tout à l'heure là, du football de Kylian Mbappé. Et là, on apprend ce matin que le patron du groupe espagnol Mediapro, qui a racheté les droits du football français, et on se disait, il va peut-être les revendre ou à Canal+, ou à beIN, pour qu'on puisse en bénéficier et ne pas prendre un abonnement supplémentaire. Mais là, ce matin, il dit non. Non, non, il faudra s'abonner aussi à Mediapro. Donc il faudra prendre pour la Coupe d'Europe un abonnement chez SFR, pour le championnat français un abonnement à Mediapro, pour la Coupe de machin un abonnement à Beansport, pour le... un abonnement à Canal+, eh bien je vais vous dire que là c'est pas les gilets jaunes qui vont descendre dans la rue, c'est les décodeurs marrons, parce qu'il y en a ras-le-bol. Parce que moi j'ai dû faire construire maintenant une pièce pour pouvoir entasser les décodeurs. Non mais c'est quand même n'importe quoi l'histoire. Josiane, c'est fait, nous passons donc à Cédric. Cédric, j'appelle, rappelez-nous quand même en une seconde, Charlotte, pendant qu'on fait l'appel. Il a versé un acompte à un électricien pour ses travaux. Le professionnel a commencé les travaux mais a disparu 3 jours plus tard. Bon, il ne vient plus, on ne sait pas pourquoi. Alors si, on sait, lui il dit je me suis cassé la clavicule, mais là, elle a du mal à cicatriser, puisque ça fait quand même longtemps qu'il ne vient plus. J'espère qu'il va répondre, on a 2 numéros. Bon, sur le premier, ça ne marche pas. On essaie le deuxième et puis on sortira le porte-voix. Et puis après, Maître Fellono, vous nous direz comment sortir de ça. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait au moins qu'il rende les sous s'il ne vient plus pour que lui puisse, Cédric, en prendre un autre. Parce que sinon, il ne peut pas se perdre comme ça 3000 euros. Effectivement, et il y a une lettre faite en ce sens le 5 octobre, une lettre recommandée que l'artisan n'est pas allé chercher. En plus. Alors peut-être que c'est la fin de la boîte. Hein. Mais alors si c'est la fin de la boîte, là, je ne sais pas quoi vous dire. Ça sonne toujours. Pas. Alors, le deuxième numéro, c'est Bernard qui essaie de le faire. Il essaye le coup du père François, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Avec son propre portable, non, ça ne marche pas, Bernard. Laissez-moi encore quelques secondes. Allez, quelques secondes avant de sortir le porte-voix. Donc, Cédric, on attend un tout petit peu. De toute façon, on ne lâchera pas. On va appeler ce monsieur au moins pour qu'il nous donne sa version des faits, parce qu'il doit pouvoir nous dire, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a une solution qui existe, mais on ne peut pas planter des gens comme ça, même avec une clavicule. Dans ces cas-là, quand on a la clavicule cassée, bien, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas acheté de matériel? Et même si on en a acheté, d'ailleurs, on appelle un confrère. Voilà les 3000 euros que m'a donné Cédric. Peux-tu aller, s'il te plaît, finir le chantier? Mais les garder et ne rien faire, je vois mal où ça va nous mener. Dans une seconde, Charlotte, de quoi va-t-on parler? Nous allons commencer la grande farandole des cas qui bloquaient. Et j'ai l'impression qu'on va revenir sur Léone. Effectivement, elle doit recevoir le remboursement de son dépôt de garantie de 715 euros depuis la remise des clés de son appartement en août. Et hier, nous avons lancé pas mal d'appels. Hein, si je me rappelle bien, Céline, nous avions eu, je crois, l'agence au téléphone. Oui, tout à fait. Et donc, on devait être recontacté. Donc, on aura certainement du nouveau dans quelques instants. Et c'est J-Bay, notre journaliste J-Bay, l'ami des stars du rock, qui va nous en dire plus après avoir écouté, non pas le grand Johnny. Vous vous rappelez quand j'avais fait ce débat sur Johnny, là, après, juste après l'histoire du testament, il y avait un de ses amis qui était autour de la table et il disait Johnny. Comme la couleur. Et je ne comprenais pas. Je le regardais, je me disais, pourquoi il dit ça? Et en fait, c'était Johnny. Oui, parce qu'il n'était pas comme ça, Johnny. Marc Lavoine, le voici maintenant, avec Seul définitivement. C'est ce qu'il va chanter, un peu comme moi, ce matin, depuis 9h30, dans ma façon d'animer. C'est le troisième extrait de l'album. Je reviens à toi, Marc Lavoine et son orchestre. Que les jours défilent, c'est ainsi que la vie s'en va. Plus de mots et plus de possibles, plus de force dans les bras, ni pour se prendre par la main, ni pour se soulever du sol. Devenu trop lourd le chagrin, c'est déjà la fin du chemin. Seul, définitivement. L'amour s'éteint, il brûle encore comme il demeure, brûle les lèvres et les mains. Hier est encore aujourd'hui, il durera aussi demain, dans des regrets endoloris, dans le foulard des parfums. Seul, définitivement, balayé. savoir comment, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir pour qui, mais véritablement, seul, définitivement. Marc Lavoine, seul définitivement sur l'antenne d'RTL. Deux cas ont été lancés. Nous attendons les retombées. Nous savons que sur le cas numéro 1 et cette fameuse caisse de retraite, un responsable doit nous parler vers moins le quart. Sur le deuxième, l'artisan ne répond pas. Nous essayons par tous les moyens de l'avoir, mais pour l'instant, nous n'avons pas. Dans une seconde, je sortirai le porte-voix pour que ce monsieur puisse nous appeler. Mais là, nous revenons sur le cas de Léone. Léone, c'est ces cas qui se multiplient de cautions qui ne sont pas rendues aux locataires. Elle a rendu son appartement, elle, en août, donc la L'agence avait 2 mois pour lui rendre son dépôt de garantie, mais elle a du retard puisque cela fait 3 mois que ça traîne. Hier, nous avons appelé le bailleur, Inly, et nous devions avancer JB dans l'après-midi puisqu'il était au volant, je crois, le monsieur. Vous avez pu avancer, pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît, sur RTL? Oui, Julien, alors c'est une dame, c'est Adeline Pinto, la responsable de la gestion locative chez Inly. Elle nous a rappelé hier après-midi et tout va être réglé. Elle m'a dit que son service allait envoyer aujourd'hui, mardi, un courrier recommandé avec un chèque de 725 euros. Il y a 715 euros qui correspondent à l'intégralité du dépôt de garantie, plus 10 euros qui correspondent à un trop-perçu sur les charges. Alors, ce que Léone ne sait peut-être pas, et c'est Maître Fellono va pouvoir nous confirmer, c'est qu'elle a aussi le droit de réclamer une pénalité égale à 10% du loyer qu'elle payait, car le règlement va se faire avec plus d'un mois de retard par rapport au délai maximum de 2 mois prévu par la loi. Je vous le dis, alors vous avez raison, JB, ça c'est, on est là aussi pour donner des conseils, donc ça va être une règle d'or que vous donnez dans une seconde, Maître Fellono, mais ce n'est pas l'esprit de l'émission. L'esprit de l'émission, ce n'est pas de demander des pénalités, l'esprit de l'émission, c'est de dire, les gars, parlons-nous, on règle le problème, et si après on rentre, ça c'est au tribunal qu'on demande les pénalités. Mais c'est bien de le savoir, puisque quand on règle un cas, il y a quand même 1 999 000 qui ne sont pas concernés, qui aimeraient bien savoir comment faire s'ils étaient dans la même situation. La règle d'or sur RTL. Je rappelle qu'un dépôt de garantie, si l'état des lieux n'a fait l'objet d'aucune contestation, doit être restitué dans les 30 jours. S'il y a eu des contestations, on a 2 mois pour, à ce moment-là, y mettre fin et rembourser le reliquat. Effectivement, il y a des pénalités de 10% qui traînent par mois de retard, Julien, et c'est quand même bienvenu parce qu'on se focalise toujours sur les vendeurs qui font de la trésorerie en encaissant des acomptes et en ne livrant pas. Mais là, quand même, ça fait déjà par exemple 83 euros. Et en plus, dans ce dossier, justement, on a demandé à notre ami de faire un effort, car là, j'ai vu quelque chose de la part de ce gestionnaire. Pour moi, c'est une grande première. C'est que le propriétaire a refusé de prendre en charge des travaux. Elle a imposé à sa locataire de les faire, puis elle s'est dit, ah ben, je me suis trompée, je vais les faire. Je vous envoie une entreprise. Et à ce moment-là, Léon dit, ben, je suis désolée, moi, je les ai fait, je vais envoyer la facture. Dit, ah ben non. On peut envoyer quelqu'un, mais on ne vous rembourse pas votre facture. Donc, je trouve que l'attitude de ce propriétaire était particulièrement sévère avec Léone. Donc, effectivement, libre à eux maintenant de rectifier Ils l'ont fait. Pour nous, c'est l'essentiel et on remercie vraiment le bailleur. Alors, déjà, est-ce que Léone est là, Léone? Oui, bonjour Julien, je suis là. Vous avez entendu Léone? Oui, très bien, entendu. J'ai reçu le mail de hier qui me confirmait le départ du remboursement du dépôt de garantie par courrier. Donc voilà, j'attends de recevoir le chèque effectivement dans ma boîte aux lettres. Eh bien, ça marche. Il devrait arriver d'ici la fin de la semaine, envoyé par le bailleur. Je me suis trompé de chanson. Décidément, aujourd'hui, c'est Black Tuesday. Merci beaucoup, Léon. À très bientôt. Merci à vous, voilà. Merci à toute l'équipe. Au revoir. Dans une seconde, nous allons enchaîner. Nous continuons avec la farandole des cas bloqués que nous tentons de débloquer. C'est le cas. Bravo JB pour cette négo également, puisque Léone va récupérer sa caution de 715 euros. Vous aussi, loyer non payé peut-être, ou bien caution non rendue. Hein. Que ce soit propriétaire ou locataire, on aide tout le monde. Vous n'hésitez pas, 3210 ou bien Facebook, la page ça peut vous arriver, ou RTL.fr. J'ai une dernière petite précision à faire, c'est que lorsque vous louez un appartement en copropriété, vous savez que les charges sont régulières une fois l'an. Et là, le propriétaire a le droit de retenir sur votre garantie, votre dépôt de garantie, la somme de 20% justement pour lui permettre de faire cet ajustement en fonction ensuite de la régularisation des charges. Voilà, écoutez, cherchez le mot et moi, sachez qu'on est là. Parce que vous, ce matin,

ce temps chez Renault. Ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il arrive avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. Exemple pour 10 000 euros empruntés, 48 mensualités de 212,55 €, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 202,40 euros, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50 euros si accordé. Voir détails sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Évidemment, nous ne réglerons pas ce matin le cas de Carlos Ghosn, le président de Renault, qui, vous le savez, apparemment aurait caché un peu d'argent au Japon. Alors, on se demande s'il en a caché en France. Il y a quelques instants, Bruno Le Maire, le ministre, a dit non, rien à signaler sur la situation fiscale en France de Carlos Ghosn. Il est comme tous les autres, il ne les paie pas ici. Non, je plaisante, mais en fait, il est apparemment en France, il payait. Bon, il était sympa, mais c'est plutôt au Japon, et ils ont trouvé. Donc maintenant, malheureusement, eh bien, il va avoir à s'expliquer. Comme Michael, d'ailleurs, qui était venu sur l'antenne d'RTL, qui a exactement les mêmes revenus que Carlos Ghosn, je suppose, Michael. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Vous gagnez à peu près, quoi, dans la tranche, vous êtes dans la même tranche de revenus que Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan ? Oui, bien sûr. Et c'est à ce titre qu'on lui avait donné un logement social. Oui. Voilà, parce qu'à 15 millions d'euros par an, on a le droit à un logement social. Et malheureusement, depuis 3 ans, des souris envahissaient son appartement. Ça fait 3 ans qu'il se bat en disant « faites quelque chose ». Alors ils viennent et ils mettent du silicone sur les trous d'où sortent les souris. Les souris, qu'est-ce qu'elles font ? Elles mangent le silicone, donc elles restent en vie. Après, elles ressemblent un peu, des fois, c'est vrai, à des candidates de télé-réalité, mais peu importe. Et après, mais elles continuent à courir partout dans le salon, etc. Donc, on ne peut rien depuis 3 ans. Et ils paient plein pot. Donc, on avait appelé beaucoup de gens et nous avions eu notamment une dame très sympathique, Virginie Jacob, la directrice générale d'Habitation Moderne à Strasbourg, qui nous a dit, écoutez, on va essayer d'avancer dans ce dossier. Je crois qu'elle est de nouveau en ligne avec nous. Bonjour, madame Jacob. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc voilà, je tenais à ce que vous sachiez que je suis conscient que c'est compliqué. C'est très compliqué de faire partir comme ça des souris, surtout quand elles sont dans les parties communes, etc. Mais je voulais que vous compreniez aussi qu'il paie son loyer plein pot et que c'est inadmissible au bout de 3 ans, même si c'est compliqué, de continuer à avoir des souris traversées. Comment peut-on avancer, s'il vous plaît ? Ok. Alors concrètement, suite aux sollicitations qu'on a eues de la part de notre locataire, et suite à l'échange qu'on avait eu, je vous avais dit qu'on reviendrait vers vous pour vous faire le point. On a pris contact avec lui par la suite. On est intervenu dans son logement déjà vendredi pour refaire un diagnostic, vérifier d'où venaient les souris, quel était l'état finalement de l'immeuble, si c'était uniquement à nouveau son logement ou si ça s'était propagé. On n'a absolument rien trouvé dans tout ce qui est locaux poubelles, locaux techniques, etc. Donc c'est très cantonné à son logement et au grenier qui est juste au-dessus. Donc ce qu'on a fait, première intervention de l'entreprise qui va compléter son intervention la semaine prochaine de manière plus forte, de manière à ce que les souris ne puissent plus rentrer dans ce logement puisque c'est manifestement le seul point d'entrée dans l'immeuble. D'ailleurs, ça se passe bien. J'ai eu moi-même Michael au téléphone samedi en vérifiant comment s'était fait le contact la veille. Il m'a dit que ça s'était bien passé, en vérifiant aussi les suites qui seraient données et en lui demandant si malgré tout il souhaitait toujours un autre logement. Il m'a confirmé que oui. Moi, je trouve que c'est pas inintéressant parce que ça nous permettra, si au vu de ce nouveau traitement plus fort, il y a malgré tout des souris qui reviennent dans ce logement, ça nous permettra d'investiguer encore davantage. Et à ce moment-là, peut-être qu'il faudra qu'on fasse des recherches plus destructives pour voir s'il n'y a pas des nids cachés quelque part. Auquel cas, c'est plus facile de le faire avec un locataire qui n'est pas dans les lieux. Donc dans la mesure où lui a fait une demande déjà depuis un moment et que nous on veut vérifier que ce soit lui ou le locataire suivant, il n'y ait pas de problème, il n'y ait plus de problème de souris dans ce logement, on va lui faire une proposition de relogement rapidement. C'est ce que je lui ai dit samedi quand j'ai eu au téléphone. Super, c'est magnifique. Bravo Michael, je pense que c'est vraiment la meilleure solution. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Permettez-moi de dire bravo à Habitation Moderne qui a tout de suite réglé le problème. Ils veulent que les différents locataires soient contents. On n'arrivait pas à trouver une solution. Elle a été trouvée, c'est magnifique. Bravo à vous, madame, et merci de votre investissement, madame Jacob, dans ce dossier. Je voudrais, si possible, juste rajouter un petit point, si j'ai encore 30 secondes. Allez-y. Sur cette question des nuisibles, de manière générale et indépendamment de ce dossier, peut-être juste rajouter que c'est un problème, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on a de plus en plus dans les villes. On voit bien qu'on a de plus en plus de nuisibles qui se développent. C'est l'action conjuguée

Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous allons faire maintenant le point info car il est 10h32, vous êtes sur RTL et nous sommes en direct. C'est l'émission qui, chaque matin entre 9h30 et 11h, règle vos problèmes. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Et nous avons démarré Charlotte avec Josiane. Elle reçoit une enveloppe censée contenir un chèque de 888 euros de la part de sa caisse de retraite, mais le chèque a mis sa cape d'invisibilité et depuis c'est la panique pour savoir ce qu'il est advenu de l'argent. Nous attendons toujours des nouvelles, Bernard Sabat de la CIPAV. Oui, nous avons rendez-vous à 10h45 avec monsieur Cadet Stéphane qui est le responsable d'équipe de la CIPAV. Bien, on réécoutera si on peut tout à l'heure cette phrase de Bernard Sabat qui a... Elle était pas mal, mais vous avez laissé traîner les voyelles. Donc ce matin. Nous avons... Vous verrez, il a pris 2 secondes sur chaque voyelle. Nous allons donc attendre 11h moins le quart. Cédric, lui, a un problème avec l'électricien. Il a payé 3539 euros à cet électricien pour les travaux de sa maison neuve. Or, l'électricien n'est pas venu sur le chantier depuis le mois d'août. Attention, coupons la musique. Bernard Sabat va tenter de vous expliquer où on en est dans ce dossier. C'est parti. Julien, vous voulez bien porter votre voix très forte, s'il vous plaît, pour monsieur David Raguin, qui est donc l'électricien qui n'est pas venu et qui a encaissé 3000 euros. Ça vous gênerait de le faire pour nous, s'il vous plaît? Le décodeur Antiope, qui permet de comprendre ce que dit Bernard Sabat, est disponible à l'accueil d'RTL. Effectivement, il a raison. Il faut maintenant appeler l'artisan parce que Cédric, là, on plaisante, mais on a ras-le-bol. Je rappelle qu'il a donné 3000 euros, l'artisan ne vient pas. Il a besoin de cet artisan pour continuer la construction de sa maison. Il l'a construit lui-même, quand même, il faut dire les choses comme elles sont. Et là, si rien n'avance rapidement, il sera contraint d'emménager dans des conditions déplorables. Le problème, avec femme et 3 enfants en bas âge en décembre prochain. Le problème, c'est que ce monsieur ne répond plus. Je vais donc l'appeler, mais j'ai peur que l'entreprise ne réponde plus en règle générale, maître Felloneau. Alors, il y a une petite règle d'or à ce moment-là. D'accord, je vais donc faire le porte-voix et puis vous ferez votre petite règle d'or. D'ailleurs, vous n'êtes pas forcément obligé de la faire sur RTL, vous pouvez la faire à votre famille si, ce soir. Non. Ou des amis, voire des voisins. Mais là, nous appelons David Raguin. Monsieur David Raguin, vous êtes à... On dit Evan Evan, E-V-A-N-S, pardon si je le prononce mal, dans le 39-700, Evan 39-700, rue, vous êtes grande rue, et on a vraiment besoin de savoir si vous allez, une fois que vous avez, maintenant que vous avez encaissé les 3000 euros, venir chez Cédric, il attend. Donc soit vous lui rendez les 3000 euros et vous lui donnez la possibilité de continuer ses travaux, soit vous venez, mais il faut qu'il se passe quelque chose, vous ne pouvez pas rester sans nouvelles. Si votre boîte a fermé, il faut le dire aussi. Donc merci monsieur David Raguin à Evan 39-700 de vite donner des nouvelles à ce monsieur qui galère. Règle d'or avec maître Felloneau. La règle d'or sur RTL. Vous avez 2 possibilités qui vous sont offertes par le Code civil pour agir contre un artisan qui a abandonné votre chantier. La première, c'est l'article 1222. Vous faites une mise en demeure de venir terminer les travaux dans un délai raisonnable. À défaut, vous lui indiquez que vous saisirez le juge pour avoir l'autorisation de résilier le contrat et de poursuivre les travaux aux frais, évidemment, de l'artisan défaillant. La deuxième, c'est à vos risques et périls, mais c'est un article très intéressant, 1226 du Code civil. Vous pouvez tout seul, comme un grand, sans passer par la case tribunal, résilier le contrat au tort de l'artisan. Et ainsi, vous pouvez reprendre assez rapidement votre liberté pour poursuivre les travaux, à charge évidemment ensuite de revenir devant le juge pour faire valoir votre indemnisation. Mais c'est le temps qui joue contre notre ami aujourd'hui qui doit être en décembre dans sa maison, et c'est peut-être le moyen qui sera le plus efficace pour lui. Merci pour ces explications, maître Felloneau. Dans une seconde, Charlotte. On revient sur le dossier de Michel. Un mur de 2 mètres qui appartient à la mairie s'est effondré sur son terrain. Cela a causé beaucoup de dégâts. Il attendait une indemnisation. Et il y aura aussi la Minute Animale avec Blanche Grandvilliers. Voici Beauty Freak. Beauty Freak, My Beauty sur RTL. Dans une seconde, apparemment, il y aura du nouveau. À 11h20, Bernard Sabat, vous êtes en mesure de nous dire que sur le cas que Charlotte nous résume, le cas numéro 1. Josiane reçoit en 2016 une enveloppe censée contenir un chèque de la part de sa caisse de retraite, mais il n'y a aucune trace du chèque dans l'enveloppe. Depuis, elle se bat pour récupérer la somme. En quoi y a-t-il du nouveau, Bernard Sabat, s'il vous plaît ? Monsieur Stéphane Cadet, responsable d'équipe de la CIPAV, souhaite parler à l'antenne juste après la pub. Je lui donne la parole dans une seconde et nous allons en savoir plus donc sur cette histoire de chèque, puisque ce monsieur a la gentillesse d'aller regarder dans les dossiers. Peut-être va-t-elle enfin le toucher, qui sait ? Ça se passe sur RTL, la radio numéro 1, entre 9h30 et 11h chaque jour. A tout de suite. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le dressing de Clara et Léo qui change. Avec 50% en cagnotte, sur une sélection de collants et de boxers DIM. 50% Clara, un prix bas pour débat. Mieux vaut ça que l'inverse. Eh, l'autre bonne nouvelle, c'est que tu vas aussi pouvoir changer les vieux boxers de ton chéri. Dès demain et jusqu'au 4 décembre, vos magasins Auchan proposent 50% en cagnotte sur une sélection de collants et boxers DIM. Et votre dressing change. Auchan. Montant crédité sur votre compte Waouh, voire conditions et produits concernés en magasin. Chérie, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est 5h. Ben je t'ai dit, les 23 et 24 novembre, c'est le Black Friday chez Nissan. La Micra d'occasion est à 4€ par jour. Je vais pas rater ça. Mais ça sera pas ouvert. Première arrivée, première servie. En plus, elle est fabriquée en France. Ça va partir vite. Nissan, innover autrement. Pour Micra K14 N-Connecta DCI 90, occasion récente, LLD 61 mois, premier loyer 2250€, puis 60 loyers 120€. Si accordiaque, jusqu'à épuisement des stocks dans les concessions participantes. Faire un carton, expression française qui signifie que pour le Black Friday sur la Redoute, vous êtes sûr de faire les bons choix. Jusqu'à moins 60% sur les meilleurs produits, des ventes flash tous les jours sur vos marques préférées et moins 10% supplémentaires sur la mode. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Bonjour, c'est moi le pavé de Romsteak des restaurants La Boucherie. Oui, je sais, je suis bien dodu et j'assume. Pourtant, j'ai maigri. Je veux dire, au niveau de mon prix. J'ai perdu 4€ quand même. Oui, en ce moment, dans votre restaurant La Boucherie, le pavé cœur de Romsteak, origine France, est à seulement 13,90€. Et ça me va bien. Pour votre santé, bougez plus. Conditions et adresses sur laboucherie.fr. Oh chérie, j'en peux plus de tes vêtements de travail usés. T'inquiète, en ce moment c'est la Black Friday Week chez Wurt Modif. Des offres jusqu'à moins 50% et je peux m'équiper sans bouger du canapé sur modif.fr. Eh ben, équipe-toi alors, moi je sors. Conditions sur modyf.fr. Habillement professionnel et particulier. Après nous trois ou rien, Mauvaise Herbe, le nouveau film de Kairon. Une comédie réjouissante pour les fiches du cinéma. Un film où l'on passe du rire aux larmes, où l'on sort avec une furieuse envie d'agir pour un monde meilleur, selon Biba. Un bijou de comédie citoyenne drôle et poignante pour Cosmopolitan. Mauvaise Herbe, un film de Kairon, avec Catherine Deneuve et André Dussolier, le 21 novembre au cinéma, avec RTL. Intermarché vous propose d'écouter le deuxième à moins 50%. Perdu dans le cosmos, la Voie lactée, ses mystères, ses constellations, de pralinés, son choc. Chocolat. Jusqu'au 2 décembre chez Intermarché, pour l'achat d'un paquet de papillotes Voie lactée Révillon, le deuxième est à moins 50%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Paquet de 420 grammes, modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Josiane se bat avec une caisse de retraite, nous dit-elle qu'il lui doit 888€ d'excédent, lui aurait envoyé un courrier de remboursement, mais il n'y avait que l'enveloppe et pas le chèque. Josiane a dû se désister de ce chèque, soi-disant perdu. Et depuis 7 mois, elle n'a toujours pas été remboursée. Elle a bien reçu une lettre lui disant « Madame, on ne comprend pas, vous n'avez pas encaissé votre chèque. Oh, » apparemment, ce chèque avait déjà été encaissé par la personne qui l'aurait volé un an plus tôt. Bref, nous avons demandé à M. Cadet de bien vouloir jeter un coup d'œil et très gentiment, il a arrêté séance tenante tout ce qu'il est en train de faire pour pouvoir aider Josiane. Je vous écoute, M. Cadet, en vous remerciant une nouvelle fois de vous occuper de ce cas. Alors, oui, effectivement, je me suis renseigné donc auprès de notre agence comptable qui fera immédiatement ce qui n'a pas été fait, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Nous nous engageons effectivement à faire la recherche directement auprès de notre banque, demander effectivement la copie pour savoir s'il y a effectivement une suspicion de fraude ou pas. Si il y a suspicion de fraude, donc si le chèque est encaissé par quelqu'un d'autre, nous procéderons au remboursement sous 48 heures. Ah. D'accord, parfait. Donc ça, il vous faut très peu de temps pour le savoir finalement. Alors, il faut Le problème, c'est que c'est le remboursement peut être fait sous 48 heures. Le problème, c'est que c'est le délai de la banque. C'est-à-dire quand est-ce qu'elle pourra nous donner, en fait, si vous voulez, en fait, cette fameuse copie directement. Nous en faisons la demande aujourd'hui. On me dit un délai fin de semaine prochaine. Bon. J'ai demandé et insisté à ce que ce délai soit raccourci. En tout cas, si on obtient le délai bien avant, on va pas attendre la fin de semaine prochaine pour procéder au remboursement. Ok. Est-ce que ça vous convient, Josiane? Bah, de toute façon, je suis à 8 jours près. Hein, ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Hein, il faut. Quand je suis encore vivante, voilà. Ça va, hein, on peut toujours encore l'attendre 8 jours. Je pense que malgré tous mes courriers qui ont été adressés, ils auraient pu déjà se rendre compte qu'il y avait un problème et le faire. Mais bon, c'est tout. On va être bons joueurs. Ah. Et s'il y a un chèque, j'espère qu'il sera cette fois-ci dans l'enveloppe. Josiane, par contre, on prend rendez-vous. Nous sommes donc aujourd'hui mardi. Je ne sais pas qui est sur ce dossier. C'est Charlotte, mardi prochain. Donc, Josiane nous appelle pour nous dire si la CIPAV a envoyé le chèque. Oui, Bernard. Juste un point. Peut-être qu'on peut proposer à M. Cadet éventuellement de faire un virement bancaire, comme ça éviterait de la perte du chèque, voilà. Non, alors, peut-être, ça serait plus simple. Ça, c'est une très bonne solution, ça. Par contre, je me permettrai de recontacter directement notre assuré. Pas de souci. Pour valider avec elle les coordonnées bancaires que nous disposons éventuellement dans le dossier, à savoir si les coordonnées bancaires n'ont pas changé. Le rythme que vous avez joint était Josiane, très bon. On va épargner ces petits détails aux auditeurs. D'accord. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que normalement, d'ici une semaine, vous allez toucher votre chèque dès que monsieur aura vérifié que ce n'est pas vous qui l'avez encaissé. Je remercie beaucoup monsieur Cadet. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir répondu vite à nos sollicitations, monsieur Cadet. Bonne journée, merci à vous. Alors, moi, je vous remercie énormément, vous et votre équipe, parce que je désespérais. Et quand j'entends souvent, vous dites pot de terre contre pot de fer ou quelque chose comme ça, eh bien là, c'était le cas. Bon, écoutez, tant mieux. Dans une semaine, on s'appelle, d'accord? D'accord, et merci beaucoup. Je vous en prie, Josiane. Écoutez, c'est la moindre des choses. Hein. Nous allons donc maintenant, si vous le voulez bien, enchaîner sur autre chose. Voilà. On voulait rendre hommage. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment. D'accord. Ben, pourquoi? Oui, Cadet Roussel. Ben oui, c'est bien. Il a rempli un petit chèque qu'il avait mis dans une enveloppe. Mais le chèque n'était pas dedans. Alors, Josiane, elle l'attend. Plus vraiment. Bon allez, mais en tout cas, il nous a bien aidé ce monsieur et je tiens à le remercier. J'essaie de rendre hommage à ma façon. Moi, à tous les cas, sinon on va pas faire que du droit, ça embêterait les gens. Cause animale, là on va beaucoup moins rigoler. On a un petit jingle, je crois, pour annoncer l'arrivée de Blanche de Grandvilliers. Dans le 9h30-11h, on défend la cause animale. Oui, nous tenons informés des avancées. Nous sommes très attachés à cette cause animale, à la protection des animaux. Nous nous battons pour que on puisse comprendre et légiférer pour que l'animal ne soit pas un objet, ça avance petit à petit, mais que l'on ne puisse pas laisser comme ça des gens faire des horreurs sur les animaux. Je vous écoute, Blanche. Oui, cette fois, c'est l'association au service des animaux qui a fait une effroyable découverte. Dans une autre association du côté de Bio, spécialisée dans la prise en charge féline, on a découvert des dizaines de cadavres de chats, morts de faim, morts de soif, enfermés dans des cages et des cages remplies d'excréments où les animaux ont agonisé pendant des jours. Alors, ça vient d'une association qui est censé protéger les animaux. Comment cela peut-il se transformer en maltraitance animale? Parce que certains d'entre vous donnent beaucoup d'argent hein, pour ces... C'est bien, continuer, mais il faut peut-être bien choisir. Rappelons que 90% de ces associations font un boulot fantastique et je suis le premier à le dire. Hein. C'est pour ça qu'on a pris Napo, cette petite mascotte de chien aveugle, pour montrer qu'il faut aider. C'est pour ça qu'on est en train de construire le refuge de Montgeron, vous nous en direz plus, JB, mais... Il y a comme dans tous les métiers, dans tous, il y a parfois des brebis galeuses, il faut savoir les éviter. Exactement. Alors déjà, il ne faut pas se fier à la seule délivrance des reçus fiscaux, Julien. Parce qu'on se dit, tiens, si elle délivre un reçu fiscal, c'est forcément qu'elle est accréditée. Pas du tout. Ils sont délivrés sous la seule responsabilité de l'association. Alors peut-être, ce que l'on peut faire, c'est soit se fier à des fondations d'utilité publique, qui sont reconnues d'utilité publique, parce que là, il y a une véritable enquête et on sait que c'est sérieux. L'association a plus de 3 ans d'existence et il y a d'autres conditions qui sont exigées. Soit se fier par exemple à des refuges. Vous pouvez aller les voir. Les refuges, eux, ils ont une obligation de déclaration. Ils ont une obligation de justifier des connaissances en matière animale, alors que n'importe qui peut monter une association de protection animale sans rien justifier. Petite enquête sur Google, ça va très très vite. Vous allez vite vous apercevoir où vous mettez les pieds. Merci beaucoup Blanche Grandvilliers. Un point avec vous, JB, le refuge de Montgeron. Je rappelle que trois abrutis à Noël dernier sont arrivés avec des extincteurs. On vidait les extincteurs sur

qui vous a donné, vous savez, à l'époque, 3000 euros pour venir faire les travaux électriques, et le pauvre, il est complètement coincé. Par contre, on peut quitter l'antenne, là ? Alors, je vais vous quitter l'antenne, monsieur, mais vous raccrochez pas, d'accord ? Ok. Parce que là, il y a quelqu'un qui est planté, qui vous attend. Ok, alors je suis d'accord. Bernard, vous récupérez ce monsieur, s'il vous plaît. Allez-y, récupérez l'appel. Vous voulez juste... J'ai cru comprendre que la boîte était fermée, monsieur ? Vous voulez juste... J'ai cru comprendre que la boîte était fermée, monsieur ? Oui. Voilà. Donc, vous n'avez pas dit à Cédric ce qui allait se passer ? Vous ne lui dites rien ? Par contre, on est toujours à l'antenne. Ah bon, je décroche, c'est bon. À 3, vous ne serez plus à l'antenne. 3, 2, 1, top. Voilà, ce monsieur n'est plus à l'antenne. Bernard va pouvoir lui parler. Cédric, vous êtes là ? Oui, je suis là, oui. Alors, sachez, Cédric, que pendant la pub, Bernard lui parlait. Et quand Bernard lui parlait, ce monsieur lui disait « Non, non, mais je travaille plus, c'est fini, c'est terminé, etc. » Donc, ce que je trouve quand même incroyable, c'est qu'il ne vous ait même pas prévenu. Il a pris 3000 euros. Et aujourd'hui, on va bien voir ce qu'il va dire à Bernard, mais c'est vraiment pas bien. C'est pas sympa. Donc, j'espérais, je lui ai donné la possibilité sur l'antenne de nous parler. Il ne veut pas. C'est son droit le plus absolu. Rapidement, Blanche. Oui, mais s'il a terminé son activité, il a quand même aujourd'hui une dette à l'égard de notre auditeur. Donc, c'est très bien d'arrêter son activité. Mais si vous avez des dettes, il faut les payer. Sinon, on peut mettre l'entreprise en redressement judiciaire. Ouais. Alors, rapidement, Bernard, ce monsieur, sans le mettre à l'antenne, parce que nous respectons sa volonté, c'est monsieur David Raguin de Evan. Que vous dit-il, grosso modo ? Dites-lui bien qu'il n'est pas à l'antenne. Hein. Il n'est pas à l'antenne, Julien. Il me dit qu'il s'est cassé donc, la clavicule, qu'il a eu un problème avec son camion, qu'il a énormément de soucis, qu'il s'est séparé de son épouse. Donc, ce n'est pas simple en ce moment pour lui. J'en étais là au niveau de la discussion hors antenne. Alors, est-ce qu'il a déjà commencé à faire des travaux, demandez-lui, chez Cédric ? Est-ce qu'il ne veut pas rendre les 3000 euros, vu qu'il n'a peut-être pas acheté du matériel ? Et s'il en a acheté, qu'il donne le matériel à Cédric. Voilà, c'est compliqué de faire comme ça, mais voilà, ça se passe en direct. Il pourrait aussi finir ce chantier s'il a la capacité physique, mais surtout, Julien. C'est une entreprise en nom personnel. Oui. Il risque gros s'il y a un redressement judiciaire, hein, parce que ses biens personnels sont impliqués. Bon, alors Bernard, rapidement, expliquez à ce monsieur qu'il est en nom personnel et que malheureusement, Cédric risque de venir voir un huissier. Julien, la bonne nouvelle, c'est que je vais lui parler en antenne. Il est prêt à faire un échéancier, donc je vais en discuter en antenne après 11h. Bon, parfait, ça marche. Bon, Cédric, vous nous laissez avancer, je vous en dis plus demain, d'accord ? Merci bien, oui. Allez, on avance avec lui, on va essayer de voir pour un échéancier. Mais encore une fois, bien sûr que tout le monde peut fermer une boîte, avoir des soucis, mais on prévient les clients, on fait les choses en règle, on ne donne plus de nouvelles, parce que là, vous attendez, comme Cédric, c'est une catastrophe. Point info sur tout ce qui s'est passé, mais c'est... Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Elle attendait un remboursement de 888 euros de sa caisse de retraite depuis 2016. Elle va l'avoir normalement semaine prochaine. Cédric. Son chantier d'électricité est à l'abandon depuis août, on essayait de jouer. Le professionnel. Nous l'avons, nous sommes en train de négocier un échéancier et vous avez entendu le reste. Bravo aux équipes. On en parle. Le recyclage, c'est l'affaire de tous. On en parle avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et avec Leïla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentante de fabricants qui payent une éco-contribution. Alors, concrètement, de quoi s'agit-il ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les fabricants et les distributeurs, nous sommes responsables de ce que deviennent les produits que nous fabriquons ou vendons une fois utilisés. D'accord. Et nous versons des cotisations financières à des éco-organismes. Mais alors, quel est le rôle de ces organismes ? Eh bien, les éco-organismes, ils participent à la collecte, au tri et à la valorisation de nos produits usagés. Et l'État leur fixe des objectifs de performance environnementale à atteindre. Donc finalement, l'éco-contribution, c'est une application du principe pollueur-payeur. Oui, enfin, je dirais plutôt producteur-payeur. Parce que la gestion de tous nos produits usagés, elle a un coût. Et grâce à l'éco-contribution, ce coût n'est plus supporté par les contribuables via leurs impôts locaux, mais par celui qui a conçu le produit. C'est parfait. Merci beaucoup, Leïla. Plus d'infos sur ensemblerecyclons.fr. En exclusivité sur M6, France-Uruguay. Après leur défaite face aux Pays-Bas, comment les Bleus vont-ils réagir face à la redoutable équipe d'Edinson Cavani ? Et après le match, ne ratez pas un documentaire inédit sur Kylian Mbappé. France-Uruguay, coup d'envoi à 21h en direct du Stade de France, suivi du documentaire Kylian Mbappé, les secrets d'un surdoué, ce soir sur M6. Diffuseur officiel de l'équipe de France. Avec M6, le foot, c'est gratuit. Black Friday et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour et sur rueducommerce.com, pendant la semaine du Black Friday, l'aspirateur balai Dyson V7 est à seulement 249€ au lieu de 349€. Et sans fil en plus. Résultat des courses ? Ah mais du coup, je le passe tous les jours l'aspi, moi. Mais oui. C'est parti pour la semaine du Black Friday chez Carrefour, Carrefour Market et sur rueducommerce.com. L'aspirateur balai Dyson V7 est à seulement 249€ au lieu de 349€. Carrefour. Garantie 2 ans jusqu'à épuisement des 2000 pièces. Offre et magasins participants sur carrefour.fr. Les défis Soch. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ses cadeaux. Hey, en chaussons, dans ce salon, célèbre en chanson. Jusqu'au 26 novembre, 9h, profitez du forfait 50 gigas à 9,99€ par mois pendant 12 mois, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rapport Arcep 2018. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soch.fr. Soch! Bravo à toutes les équipes. Moi, je vous donne rendez-vous le 1er décembre au Casino d'Anguin. Demain, du nouveau avec l'artisan. Mais là, j'ai cru comprendre, Stéphane. Oui, mon cher Julien. Que votre invité est un homme qui est un homme de spectacle. Et il faut laisser les gens de spectacle s'exprimer. Oui, absolument. C'est Laurent Gérard, mon invité. Et je suis très heureux parce qu'on va parler. On peut le consommer sans modération, spectacle. Et puis, il y a les filets de Macron qui viennent de sortir avec des pommes à l'huile. On va goûter ça sans modération. Il est en pleine forme. Bah bien, écoute. Bonjour, Julien. C'est formidable. Ouais. Ils n'auront qu'à mettre.